Or, le monde t'a vu, toi le saint, toi l'auguste, dire au crime, courage! Et la porte du juste a tremblé sur ses gonds. Tu louas les bourreaux vainqueurs, toi mon ministre. Tu pris sur tes genoux, magicien sinistre, la tête des dragons. Devant le Créateur, devant les créatures, tu mis sur les tyrans, tu mis sur les parjures, sur le vol effronté, sur le meurtre ivre et fou qui dans le sang se plonge, tu mis sur cet amas d'horreur et de mensonges, mon sceau de vérité. Chien du troupeau, tu fus un loup comme les autres. Ô roi, ces attentats amnistiaient les vôtres. Si bien, pape romain, qu'aujourd'hui, dans le trouble et dans l'inquiétude, pas un abri lointain, pas une certitude ne reste au cœur humain. Pure étoile éclairant les vivants dans leur route, la vérité brillait au fond des sombres voûtes où l'œil de l'homme atteint. Je t'avais, comme Aaron et comme Zoroastre, mis si haut que toi seul pouvais souffler sur l'astre. Prêtre, tu l'as éteint. J'avais entre tes mains déposé la justice, de peur que l'homme n'erre et ne se pervertisse comme au temps de Japhet. Des âmes des vivants, j'avais fait ton domaine, je t'avais confié la conscience humaine. Réponds, qu'en as-tu fait?